LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. 3, 2, 1, see ya! L'extrême, c'est quand c'est plus que ce qu'on a appris à faire. C'est de se mettre en équilibre comme fait un petit enfant quand il apprend à marcher. Moi, je dis toujours que je suis un explorateur, dans certains cas un aventurier, mais je ne suis pas un trompe-la-mort. Donc le risque pour le risque, ça ne m'intéresse pas du tout. Si un jour, un sportif, un athlète te dit qu'il n'a pas peur, c'est un mytho, un crétin, un inconscient et un menteur. On a tous peur. On a forcément peur quand le mauvais temps arrive. Si vous n'avez pas peur du vide, vous allez tomber. On a peur des chutes de pierres. Si vous n'avez pas peur du feu, eh bien vous allez être brûlé tout bêtement. On a peur des avalanches. S'il n'y avait pas de peur, l'espèce humaine n'existerait plus. Et puis on a peur de soi-même quand on est dans un passage excessivement difficile et puis qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Le danger arrive quand la peur disparaît, je pense. Le danger arrive quand la peur disparaît, je pense. Quand la peur disparaît. Rendez-vous avec la peur. Jérôme Sandelars, Yvon Croisier. Et bah du coup, je vais juste retendre un petit coup la sangle avant d'y aller. Hop, voilà. Bah là, du coup, on est à Albini, sur la plage d'Albini, donc à Annecy, à côté du lac d'Annecy. On est dans un parc, et là, on a tendu une sangle qui fait à peu près 45 mètres. Voilà, là, je viens d'enlever mes chaussures, je suis pieds nus, il fait bien 0 degré, peut-être un petit peu moins. Et puis je vais aller faire une petite session de nuit. Donc c'est quand même ambiance. Là je monte sur la sangle. Petit côté technique de réussir à s'asseoir sur la sangle. Là il faut s'imaginer que je suis sur une sangle qui fait 2 cm. Donc à peu près la largeur d'un ticket de métro. Et il va falloir que je me lève sur cette sangle. Hop. Là le début il est toujours un petit peu difficile parce qu'on n'a pas testé la sangle. Donc on ressent à ce moment-là toutes les vibrations. Donc il faut tranquillement s'adapter, s'habituer, puis commencer à engager un pas, puis deux, puis essayer de rentrer dans une routine un petit peu de marche. La slack, contrairement au funambulisme, on va dire un petit peu plus old school, la slack, donc qui est le funambulisme moderne, c'est en fait une sangle qui est peu tendue, elle est un peu élastique. Et on va pas avoir un balancier qu'on va utiliser avec nos mains. Enfin, le balancier, ça va être juste nos mains, en fait. Nos mains et notre corps qui va bouger. Et du coup, on est sur un sport qui est beaucoup plus mobile. On va tout le temps, en fait, en train de gérer nos déséquilibres. J'aime bien dire que c'est pas un sport d'équilibre, mais c'est plus un sport de gestion du déséquilibre. Pour finalement rester sur cette sangle. Là, je suis à peu près à la moitié, je suis au-dessus d'un petit champ de boue. Hop, je continue à marcher. Et en gros, on a différents types de pratiques de cette slackline. Donc slackline, c'est le terme générique. Ça va ou être au-dessus du sol, comme on est ici, ou au-dessus du vide, ce qu'on appelle la high line, ou au-dessus de l'eau, on appelle la waterline. Et j'aime bien rester, voilà, essayer de rester une heure sur la sangle, à me balader finalement, rentrer un petit peu dans un état de flow qui est plus difficile à trouver finalement au-dessus du vide, parce qu'il y a cette peur qui nous rappelle un petit peu que bah, qu'on est en train de marcher sur une sangle, ce qui n'est pas forcément très naturel. Alors que là, on peut se permettre de l'oublier et de rentrer dans sa bulle. Et c'est un état qui est très agréable. Là, j'arrive bientôt au bout de la ligne. Je vais essayer de faire un petit demi-tour. Hop. Tac. Et on est reparti. Dans votre ouvrage, Gérard Guerrier, intitulé « Éloge de la peur », vous citez l'exemple d'un petit poisson. J'aimerais bien que vous nous racontiez. Oui, alors ça c'est une expérience assez marrante qu'on fait des scientifiques. Moi, j'aime bien les scientifiques parce que de temps en temps, ils font des expériences un peu délirantes. Ils ont pris un grand aquarium dans lequel ils ont mis des petits poissons sympathiques, tout à fait paisibles. Et au milieu de ce petit groupe de poissons paisibles, ils ont mis un énorme poisson carnassier, une espèce de carpe d'Amazonie, enfin un truc terrible. Et ils ont essayé de classer les petits poissons en trois catégories. Alors il y avait les peureux qui s'abritaient derrière les rochers à la vue de ce monstre. Vous aviez les téméraires qui sont allés voir, tiens, qui est ce nouveau copain ? Et puis ceux qui hésitent entre les deux, qui faisaient des allers-retours entre le rocher et le monstre. Puis ils ont attendu 24 heures, et au bout de 24 heures, ils se sont aperçus que ben, parmi les téméraires, il n'y en avait plus un de vivant. Parmi les hésitants, il y avait à peu près la moitié de vivants. Et parmi les prudents, il y en avait 80% de vivants. Et leur conclusion, tout à fait scientifique, c'est que en fait, les peureux vivent plus longtemps et sont plus intelligents. Même si j'adore me retrouver au-dessus du vide en highline et être dans des paysages magnifiques, ouvrir des nouvelles lignes, ce genre de choses, ça me fait vraiment vibrer. Mais malgré tout, cette pratique au parc, j'en ai besoin pour mon équipe personnelle. Après une journée de travail, je viens ici pendant une heure, je suis tout seul, je me mets de la musique et puis je fais des traversées. Des fois, je marche 1-2 km sur la sangle. Et ça, j'en ai besoin, quoi. C'est déjà pour ma pratique physique, mais vraiment pour le bien-être mental. Hop. Et voilà, j'ai fait mon aller-retour. Je me rassois. Je peux accéder directement à mes chaussures sans mettre les pieds par terre. Et voilà. Antoine Ménage, comment vous êtes tombé dans cet univers de la slackline ? Alors, j'ai débuté la slackline il y a une dizaine d'années à peu près. J'ai grandi, on va dire, un petit peu dans ces sports de montagne. Je faisais pas mal d'escalade et puis un jour j'ai découvert ce sport de la slackline grâce à un film qui s'appelle I Believe I Can Fly, qui est un film des Flying Frenchies. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, mais c'est incroyable. Ensuite, j'ai découvert ce qu'on appelle la jump line, donc le fait de faire des sauts sur la sangle, faire des saltos, rebondir, la discipline un petit peu freestyle. Ensuite, j'ai découvert la highline, donc le fait de marcher au-dessus du vide. Je me suis mis un petit peu à faire de la jump highline, donc de faire des sauts au-dessus du vide. J'ai eu aussi une période un petit peu où je me cherchais moi-même, donc avec plus de prise de risque aussi, à essayer de défier mes propres limites. Ça peut être en haute montagne, ça peut être des lignes qui sont longues et du coup difficiles à mettre, ou des toutes petites lignes des fois qui sont très esthétiques. Et ça, c'est vraiment l'optique dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est d'aller puiser au maximum dans l'esthétisme du sport. Est-ce qu'il vous a fallu du temps pour apprivoiser le vide ? Vous avez peur du vide ou pas ? Alors, j'ai jamais vraiment eu peur du vide parce que j'ai fait de l'escalade avant et ça m'a. J'ai toujours un petit peu vécu dans le vide, quoi. J'ai toujours été habitué à ça. Après, le vide, en fait, on l'oublie très rapidement. On se déshabitue très vite. J'ai passé un an à étudier en Irlande et en rentrant, j'étais tétanisé par le vide. Parce que pendant un an, il n'y avait que des collines et finalement, j'avais pas forcément fait de highline, j'avais pas fait d'escalade et je me souviens les premières lignes. La première ligne que j'ai fait après l'Irlande, c'est une ligne qui était en Norvège, au Prekestolen, qui est un endroit assez connu où depuis d'ailleurs la ligne est interdite. Et c'était à 800 mètres de haut, c'est la ligne la plus haute que j'ai faite. Et j'avais pas vu de vide depuis 6 mois, je crois, 6 ou 7 mois. Et en plus, je me souviens, il fallait que je fasse un rappel pour aller trouver les ancrages. Et donc, que je me pende dans le vide sur ma petite corde que j'avais amenée qui faisait 8 mètres. Et en fait, les ancrages étaient à 8 mètres. Et j'étais sur ce qu'on appelle un rappel en fil d'araignée, c'est-à-dire que j'étais complètement pendu dans le vide, je touchais pas du tout la falaise, à 800 mètres de haut. Et j'étais au bout de ma corde, alors j'avais fait un petit nœud quand même, mais j'étais vraiment pendu au bout de ma corde. Et en dessous de moi, il y avait juste 800 mètres de vide et rien d'autre. Et je devais en fait me balancer tout doucement pour aller récupérer la falaise et pouvoir mettre mes points d'ancrage. Et je me souviens de ce moment, mais terrifiant. Ce moment était terrifiant. Et après, j'étais tout seul à installer la ligne. Donc pareil, je me souviens avoir eu vraiment, vraiment peur sur la ligne. Je pense pas avoir eu ce moment où après, j'avais pas peur. Sur cette ligne, j'ai eu peur tout le temps. Alors que j'étais accroché, tout ça, il n'y avait pas de souci, mais c'était terrifiant parce que j'avais pas été exposé au vide depuis très longtemps. Et que du coup, mon corps, il comprenait pas, quoi. Stevenhart, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur quand vous êtes dans l'eau, en train de réaliser ces grandes traversées, que ce soit ici, tout près de nous, là dans la Manche, ou lorsque vous avez traversé le lac Baïkal en Sibérie, ou l'Hudson au pied de Manhattan, ou... Il y a eu des grandes peurs comme ça au cours de ces différentes traversées? Alors le Loch Ness, c'est une aventure, hein. Vraiment une aventure. L'eau est noire. Vraiment noir. Quand vous nagez, vous voyez plus votre main. Donc imaginez-vous, vous partez à 6h du matin, le jour se lève à peine. Même si on essaie de faire abstraction du monstre, des légendes qu'on a pu avoir lors de notre enfance, il y a une tension qui est palpable. Vraiment. Et à un moment donné, la nuit commence à tomber. Et là, c'est hyper angoissant. Mais vraiment. L'eau noire, nuit noire, il n'y a pas de pollution lumineuse parce que les villes sont aux deux extrémités du lac. Il y a juste une toute petite lampe qui clignote sur votre bateau. Et là, c'est vraiment une angoisse terrible. Il y a quelque chose qui te dit, il faut que tu remontes, il y a un danger qui est là. Et ça, c'est très dur, c'est hyper perturbant quand vous êtes en fin de course parce que ça faisait 10 heures que je nageais. Et il me restait aussi 3 heures et demie, 4 heures quasiment. Et on finit cette traversée du lac, mais vraiment difficilement. Combien de kilomètres, combien d'heures? 37 kilomètres en 14 heures et 50 minutes. Et en fait, une fois que je suis arrivé, mon entraîneur ne me l'avait pas dit. Il a commencé à m'expliquer les statistiques de cette traversée. Et en fait, il n'y a que 25 personnes qui ont réussi la traversée du lac depuis 1965, avec 10 à 15 tentatives par an. Il y a des années, il n'y avait personne qui a réussi. Et en fait, les causes de ces abandons, c'est le stress lié aux angoisses de la nuit. Quand la nuit tombe, il y a un truc qui se passe. Il y a des très bons nageurs. Il y a un truc qui dit, ça y est, on est, il faut remonter. Et ça, moi, cette information, je l'ai eue dans le cerveau. Et il faut vraiment vaincre ses peurs. Et donc, moi, je suis la 26e personne qui réussit à le Loch Ness, le premier français. Mais imaginez-vous, c'est rien, quoi, depuis 1965. Et donc, c'est ce qui explique, voilà, le froid, le vent et surtout ces angoisses de nuit. Donc revenons au circuit de la peur, celui-ci a été décrit par un scientifique américain qui s'appelle Joseph Ledoux. Il est tout à fait connu, il met en jeu un certain nombre de noyaux neuronaux qui se trouvent dans le cerveau sous-cortical ou cerveau dit limbique, notamment l'amygdale, c'est un peu la tour de contrôle de la peur qui va vous dire il faut avoir peur ou non, fausse alerte. Et là, le cortex et notamment la raison n'entrent pas en jeu. Vous avez le circuit long qui est un circuit cortical, où vous allez analyser le danger, vous allez le contextualiser. Exemple, vous voyez un crotal dans un aquarium, votre cerveau va dire non, c'est un crotal, mais il est dans un aquarium, donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Donc ça, c'est le deuxième circuit, c'est le circuit long. Et puis vous avez le troisième circuit, qui est sans doute propre à l'homme, c'est le circuit de l'anxiété et de l'angoisse, qui est capable de se mettre en branle sans signal extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous mettre en alerte tout seul à la seule idée d'un danger, qui existe ou qui n'existe pas. Est-ce que pendant ces 63 jours que vous avez consacrés à marcher comme ça, seul avec votre traîneau pour rejoindre le pôle Nord, Jean-Louis Etienne, est-ce que vous avez rencontré de grandes peurs? Ah, on a plein de raisons. Plein de raisons d'avoir peur, surtout quand on est seul, parce que faut comprendre que la banquise dérive, elle se fracture, Quand elle se fracture, donc la plaque de glace se sépare, donc tout d'un coup, il y a l'eau libre, la mer, qui regèle. Donc, aller au pôle Nord, c'est parce qu'on a toutes les sortes d'épaisseurs de glace. Et de temps en temps, vous avez à franchir une faille entre deux plaques de banquise consistante, d'une nouvelle banquise fraîchement regelée. Et là, vous cherchez à droite, vous cherchez à gauche, mais ça, ouais, pas le passage. Et de temps en temps, il dit, mais là, il va falloir que j'y aille. Donc, avec le bâton, on va ausculter la glace, comme ça, et quand ça fait... la glace molle, ça fait toc, toc, toc, toc, vous voyez. Quand elle est dure, c'est ting, ting, enfin, c'est classique, hein. Mais bon, vous auscultez, et puis à un moment donné, donc vous avez la trouille, vous avez peur, puis à un moment donné, vous dites, j'y vais. Et un jour, je suis passé à travers la glace trop fraîche. Et je savais que si je passais à travers d'une glace trop fraîche, je ne pourrais pas remonter. Parce qu'elle est trop fragile, vous voyez, puis tout d'un coup, l'eau est très froide, etc., vous êtes assez immobilisé. Et donc, je suis passé à travers. Et quand je commençais à arriver au genou, je me suis couché, j'ai rampé, je m'étais mis ça dans la tête. Et c'est un peu comme sur les sables mouvants, vous voyez, quand vous sentez que vous enfoncez, il faut se coucher. Il ne faut pas essayer de courir, se coucher et ramper, parce que votre poids, au contraire, ne va que vous entraîner vers le bas. Donc voilà, là, j'ai eu très peur a posteriori. Et la peur, elle a été... C'était pas une peur, mais c'était que si j'étais mort... C'était l'agonie que j'imposais aux autres, qui m'a pris toute la nuit. Il n'a pas mis la balise à cause en route. Tiens, peut-être elle ne marche pas. Vous voyez ? Puis on ne m'aurait pas retrouvé parce que la banquise dérive. Toute la nuit, j'ai pensé à ça. Ensuite, l'autre peur que j'ai eue, c'était... j'avais peur de l'ours. Enfin, peur de l'ours. L'ours polaire. L'ours polaire. Parce que l'ours polaire, s'il est dans le coin, il est parti de loin et il doit avoir faim. Vous voyez ? C'est l'hiver, il faut qu'il se nourrisse, quoi. Et donc, après 48 heures de blizzard, quand il y a du blizzard, c'est-à-dire le vent qui souffle fort, ça soulève la neige, on n'a pas de visibilité. Et donc, on doit rester dans la tente. Et donc, le vent s'est calmé au bout de 48 heures. Je suis sorti, donc j'ai plié le camp et je suis parti. Mais je n'ai pas le souvenir précis, mais très peu de temps après que j'ai quitté la tente, en travers de mon chemin, il y avait des traces d'ours. Il y a que ça. Mais des traces d'ours qui font... Je ne sais pas, 70, 80, vous voyez, en plus dans la neige. Ça, c'est... Les pattes. Les pattes. Et donc, fraîches, parce qu'il y avait eu le blizzard. Donc, ça veut dire qu'il était passé après le blizzard, donc il n'y avait pas longtemps. Et là, ça a été la trouille. Ça a été la trouille parce que l'ours, il n'est pas réputé pour avoir une bonne vue, mais il a un odorat. Et donc, il avait dû sentir certainement ma cuisine, quelque chose comme ça, vous voyez. Je n'avais pas d'arme avec moi, et j'ai mis le capuchon et je suis parti dans une, dans une pensée mystique avec l'ours, lui expliquant que j'étais qu'un humain de passage. Enfin, je me faisais des mantras comme ça pour me rassurer moi-même. Et le soir, je me dis peut-être qu'il me suit encore, il attend que je m'arrête. Enfin, et j'ai monté la tente, et puis après ça... Mais c'était une vraie peur que j'ai eue là. Un ours qui essaye de savoir de quoi vous êtes fait, il vous donne un coup de patte et il vous décapite, quoi. Et d'ailleurs, vous racontez dans Persévérer, mot qui vous est cher, que lorsque vous êtes au pôle Nord, à un moment donné, me semble-t-il, vous êtes dans votre tente et puis vous sentez comme des petits sons, des reniflements, des choses comme ça. Ah oui. Oui, je faisais la sieste. C'était tous les soirs. Je tirais mon traîneau 8 heures d'affilée sans m'arrêter. Et à 16 heures, je montais la tente, je faisais une sieste. Et c'était, je sais pas, 6 heures à peu près. Donc j'ai entendu des petits bruits aigus. Et je me dis, merde, c'est l'ours. L'ours qui revient. Et en quelques secondes, j'ai compris que c'était pas des ours, mais des chiens. Et je savais qu'il y avait une expédition américaine, en 86, on était deux expéditions à tenter le pôle Nord, une expédition américaine qui était partie pas du même endroit que moi avec des chiens, ils étaient cinq, et quatre attelages de chiens. J'ai dit, c'est eux. Donc je suis vite sorti de la tente, et donc j'ai vu des chiens qui passaient là, et puis après ça, ma peur a disparu. Ces sportifs de l'extrême, Gérard Guerrier, c'est une population qui ne supporte pas l'ennui. Oui, c'est ce que les scientifiques appellent les HSS, High Sensation, je ne sais plus Seekers. Quoi. Seekers, thank you. Ceux qui recherchent les fortes sensations. Oui, effectivement, ce sont des personnes qui, en général, ne supportent pas la routine. D'ailleurs, ça serait intéressant, et ça n'a jamais été fait, hein, de faire une sociologie des sportifs extrêmes. Mais là, je vous parle d'expérience et avec toutes les limites que ça peut donner. Il y a assez peu de comptables et de contrôleurs des impôts parmi les sportifs extrêmes. On va recruter plutôt des ingénieurs, des gens qui travaillent dans le secteur médical. Pareil, assez peu de profs de philo, bizarrement. On pourrait, hein, c'est dommage, parce qu'à mon avis, la philo devrait mener aux sportifs extrêmes. Et quel bilan, quelle leçon vous en tirez? Ça vous dites quoi? Que ce sont des hypercalculateurs, des... Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce sont des matheux, quoi. On revient à John Kelevich, le jeu et le sérieux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui cherchent le jeu, l'inconnu, etc., qui ne se contentent pas d'un quotidien réglé à l'infini. Mais c'est à la fois des gens qui sont capables de supporter le sérieux et la menace, les probabilités. Ils sont capables de vérifier des tas de choses. Effectivement, ça attire plutôt les esprits relativement scientifiques. Parce que pour faire ça, il faut maîtriser son anxiété. Et on maîtrise son anxiété en ramenant la peur à des risques objectifs. Bertrand Piccard, est-ce qu'il vous arrivait souvent, au cours de toutes ces années de vol en Delta ou en ULM, ou voilà, de vol libre, d'avoir peur? Et quel regard vous portez aussi en tant que psychiatre sur la peur? Alors, la peur, ça peut être un handicap quand c'est de la timidité, quand c'est qu'on n'a pas encore trouvé sa voie, qu'on est mal à l'aise, etc. Moi, comme adolescent, j'étais plutôt un peu craintif, ce qui me rendait trop arrogant pour essayer de cacher ma crainte ou ma peur. Ensuite, j'ai vu que je pouvais résoudre ces questions de peur par la relation à moi-même, par la concentration dans l'instant présent. Mais il y a des moments quand même où la peur ressort, un peu comme une assurance vie. La peur, c'est le moment où on peut se dire, tiens, là, je suis en train de sortir de ma zone de confort. Alors, est-ce que c'est juste d'en sortir ou pas? Parce que c'est vrai que souvent, c'est bien de sortir de sa zone de confort, parce que on vit de manière, en principe, beaucoup trop confortable. Donc parfois je me dis, tiens, j'ai peur, c'est bien, allons-y. Par contre, à certains moments, c'est le moment où je me dis, là, il faut s'arrêter. Je me rappelle une fois avoir été pris dans des turbulences en parapente. Je me suis dit, ok, ça devient trop dangereux, j'atterris. Et puis il y a un type qui est resté en l'air encore pendant une heure, et quand il a atterri, je lui ai dit, mais t'es fou, c'était involable cet après-midi. Il me dit, ah, c'est génial, j'ai failli me tuer 3 fois. Et là, je me dis, tiens, lui, il ne met pas la peur au bon endroit. Peut-être que là, je suis un peu dans le côté moins rationnel, mais je pense qu'on a aussi un ange gardien dans sa vie qui, de temps en temps, nous dit, attention, là, ça va un peu loin. J'ai eu mon aile delta qui a éclaté en l'air pendant une démonstration de vol acrobatique. C'était le jour des 6 mois de ma fille, ma première fille. Et l'aile a éclaté en l'air, j'étais centrifugé, j'avais des tubes et des câbles qui me tapaient dans la figure, je ne voyais plus rien tellement je saignais. Et puis, j'ai réussi à trouver la poignée de mon parachute de secours, tirer le parachute de secours qui s'est emmêlé dans l'aile. Et puis, comme l'aile tournait sur elle-même très fortement, ça a éjecté le parachute plus loin, il a pu s'ouvrir. Et j'ai atterri entre une vigne et une ligne électrique. Là, je me suis dit, ben, voilà, je croyais que je maîtrisais, que je contrôlais tout. Non, là, c'est l'ange gardien qui a tout contrôlé et tout maîtrisé pour moi. Ça rend très modeste. Ce que j'essaye toujours, c'est de ne pas paniquer, parce que ce n'est pas la peur qui est grave, c'est la panique. Je me dis que si j'ai réussi à ne pas paniquer quand mon aile delta a explosé en l'air et que je suis tombé pendant 11 secondes avant que le parachute s'ouvre, je me dis que j'espère que je ne paniquerai pas dans d'autres circonstances. Je me suis préparé d'ailleurs à ça avec des techniques d'hypnose pour anticiper des situations gravissimes qui auraient pu se passer à bord du ballon ou à bord de l'avion solaire. Explosion en vol, incendie, rupture d'une pièce importante, chute en mer, etc. Puis se préparer, se visualiser en train de réagir avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de conscience, de manière à ce que si par malheur la chose arrivait, je puisse y répondre sans panique. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Ne pas être surpris si quelque chose arrive. dans ma double traversée de la Manche où j'étais coincé dans un filet de pêche en pleine nuit. Là, j'ai eu vraiment peur parce que le bateau, le temps qu'on comprenne que j'étais coincé, qu'il fasse demi-tour, il s'est passé quand même du temps. Ce temps, il est très long, en fait, et on se dit que là, tout peut s'arrêter. Bon, la course, certes, mais aussi par rapport à la vie elle-même, parce que j'avais la tête et le bras coincés dans le filet, qui était un filet dérivant, abandonné. J'ai eu vraiment peur. Après, moi, personnellement, pour me lancer dans tous ces défis, je sais que c'est dangereux, mais j'ai accepter le fait qu'il m'arrive des problèmes liés à un requin qui m'attaque ou un phoque qui m'attaque. Une fois que vous êtes dans l'acceptation que ça peut, tout peut s'arrêter du jour au lendemain lors d'une traversée, que ça soit aussi d'un arrêt cardiaque, hein, parce que... J'allais vous le dire. Voilà, moi j'ai perdu quand même deux amis lors de cette traversée de la Manche, et voilà, qui sont malheureusement partis liés à un arrêt cardiaque. Voilà, c'est le risque. Il faut accepter ce risque. Et ne plus douter, parce que si vous doutez, vous allez vous mettre réellement en danger. Le doute n'est pas permis. Donc, beaucoup de travail mental, beaucoup de méditation, beaucoup de projection d'images pour voilà, essayer d'optimiser au mieux ses appréhensions. C'est-à-dire que vous anticipez tous les obstacles que vous pourriez rencontrer lors de cette future traversée, c'est ça? Oui, alors... Les dangers, les... Par la je sais que notamment les méduses voilà, sont présentes. Mais... Par la visualisation, mais aussi par les entraînements spécifiques. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des bandes méduses. Vous allez être piqué par des méduses, ça c'est une certitude. Donc en fait, tous les obstacles que vous allez rencontrer, il est très très important et primordial de s'entraîner au préalable dans ces éléments. Moi, je m'entraîne volontairement dans des bancs de méduses qu'on localise en Angleterre, dans des bancs d'algues, que psychologiquement parlant, ça ne soit pas un danger en soi, ça soit pas que le cerveau perçoive ça comme un danger. Il a vécu cette situation. Pour supporter les piqûres. Pour supporter. Alors, je ne dis pas qu'on s'immunise, hein, ce n'est pas le mot, mais bon, le corps s'habitue à des piqûres à répétition. En fait, ce qui peut créer l'abandon dans ces traversées au long cours, c'est la surprise. Il faut éviter les surprises. Je regarde vos bras là pour voir si vous avez des traces encore. J'ai une trace de méduse. Cette cicatrice là sur le bras gauche, c'est. Ça, cette cicatrice sur le bras gauche. Voilà, enfin, il y a des petits bobos comme ça, mais bon, petite blessure de guerre. Petits souvenirs. Pour revenir un peu aux méduses, il y a des traversées qui sont beaucoup plus compliquées que d'autres parce qu'il y a notamment une des traversées que j'ai fait dernièrement, le North Channel entre l'Irlande et l'Écosse. La particularité, c'est qu'il y a énormément de méduses. Bon, l'eau est froide, mais les méduses peuvent atteindre 20 mètres de long, les filaments. Et on slalom entre les méduses. Beaucoup d'abandons de cette course se font à cause des piqûres de méduses. Où un nageur sur quatre qui finit à l'hôpital. Et à un moment donné, il y avait tellement, j'étais en brasse. Je me suis dit, c'est pas possible, j'étais dans un banc complet, j'étais piqué de partout. Et là, j'implore la nature, je dis, écoutez, j'ai besoin de vous. Je parle aux dauphins, je parle aux phoques. Et voilà, j'ai dit, j'ai vraiment besoin de votre énergie maintenant. Et là, ça paraît un peu irrationnel, mais c'est une réalité. 15 minutes après, le vent se lève tout doucement, il monte, il y a la houle qui arrive, et le courant aussi arrive, et les méduses s'embarquent dans chaque courant, c'est comme un rideau en fait. Et là... Ils sont chassés. Ils sont chassés, et ce qui est le plus fabuleux, c'est qu'à un moment, voilà, il se passe 20 minutes, et là, il y a un dauphin qui passe en dessous de moi, qui lance une information, tout ça. Ce qui c'est très... Les chiens ont reconnu le dauphin. Et donc, là, il y a 13 dauphins qui arrivent autour du bateau et qui m'accompagnent lors de mes 4 dernières heures. C'est incroyable. Allez, vous couchez. Allez, va te mettre au calme. Couchez. Non. Tiens. Couchez. Allez. En fait, vous avez toutes les situations. Globalement, vous prenez un risque de sport extrême à partir du moment où la somme de vos motivations est supérieure à la somme de vos peurs. Donc pour cela, vous avez deux stratégies. Un, c'est de réduire vos peurs. Donc si vous n'avez pas peur, ben, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Vous avez un neuropsy autrichien qui s'appelle Niels Birnbaumer qui pense que parmi les sportifs extrêmes, il y a 50% de gens qui ont des tendances psychopathiques, qui ont un déficit de l'émotion. Donc, première stratégie, on diminue la peur. Deuxième stratégie, on augmente la motivation. Et là, dans les motivations, vous avez des motivations je dirais, positives et des motivations d'ordre négatif. Plus ou moins louables. Plus ou moins louables. Exemple de motivation qui vous tire vers le bas, faire le beau devant les copains. Donc ça a été le cas notamment en base, en base jump. En 2016-2017, il y a eu une hécatombe, etc. Je précise que le base jump, c'est le fait de sauter d'un point fixe. Donc ça peut être une falaise, ça peut être une antenne, ça peut être voilà, soit avec une aile, une wingsuit, tout à fait, soit en chute libre et puis d'ouvrir son parachute le plus tard possible. Et donc il y a quelques années, il y a eu une hécatombe incroyable parmi ceux qui sautaient des falaises avec une wingsuit, et on a découvert que quasiment toutes les personnes qui s'étaient tuées avaient une caméra fixée sur leur casque. Et pourquoi ? Parce qu'on essayait de faire la vidéo la plus sympathique et le plus près du sol. La plus sensationnaliste. Donc ça, c'est l'ego. Et l'ego, c'est terrible parce que ça vous éloigne de la réalité. Vous avez aussi des gens qui prennent des risques parce qu'ils ont une tendance suicidaire. J'en ai connu, je me rappelle d'un camarade pilote d'El Delta qui ne décollait jamais sans Xanax et en mettant du heavy metal dans ses écouteurs. Vous avez aussi la fameuse ordalie de David Le Breton, où en fait les jeunes vont voir si la vie vaut le coup d'être vécue. Qu'est-ce qu'on a encore comme motivation ? Il y a quand même quelques-uns qui sont équilibrés, rassurez-nous. Alors non, mais là j'étais sur les motivations négatives. Et mais heureusement, il y a des motivations positives. À commencer, le plaisir d'être dans la grande nature. Les sensations, par exemple, quand vous évoluez en trois dimensions en vol libre, c'est une jouissance extraordinaire. Alors, il y a des gens qui disent, moi, je suis drogué à l'adrénaline. Bon, ça n'existe pas. L'adrénaline n'est pas du tout addictive. Par contre, il y a un effet dopaminergique qui fonctionne tout à fait. Ça, c'est le circuit de la récompense. Et puis, quand vous êtes mis en alerte près du danger, vous avez une hyperconcentration sur le moment présent. Une seconde vaut une minute. Et donc, vous vivez de façon très intense. Vous avez Robert Flemati, qui était un alpiniste, qui était le compagnon de cordée de René de Maison, qui disait « Quand je prends des risques, j'ai une double respiration. » Donc ça, c'est essentiel pour expliquer l'addiction que certains peuvent avoir vis-à-vis de ces sports extrêmes. 2 minutes de base jump, ça vaut largement 3 journées derrière un ordinateur. Qu'est-ce qui vous pousse, Enac Gavaggio, alias Rancho, à pousser le curseur toujours un peu plus loin et à prendre parfois des risques inconsidérés ? Alors, ce n'est pas les sponsors. Ça, c'est la grande, grande question de tout le monde. Ce n'est pas les sponsors. Au contraire, je connais plus d'athlètes qui se sont fait virer des partenaires parce qu'ils étaient trop engagés que l'inverse. Je peux vous parler de l'exemple Red Bull, parce que tout le monde aime bien montrer du doigt Red Bull. Je connais les images de pas mal d'athlètes Red Bull qui ne sortiront jamais. Parce qu'en fait, ce qu'on voit des athlètes Red Bull, ce qu'ils sont capables de faire dans certains sports, aujourd'hui, le grand public voit 50% de leur potentiel. Alors Red Bull, je précise que c'est la fameuse boisson énergisante, c'est ça, à base de taurine. Ouais, je connais, bon, avec des petits taureaux, quoi. Mais non, mais voilà, donc ce n'est pas du tout les sponsors, c'est en fait le... Si on est en bataille ou si on est en lutte, c'est contre nous. C'est un plaisir. Moi, je sais que j'ai un plaisir, mais incroyable, à me surpasser. Alors après, effectivement, si j'arrive à en vivre, tant mieux. Mais c'est un désir, c'est un plaisir, c'est une volonté. J'ai 45 ans. Il y a 3 jours, je suis encore parti. J'ai skié avec des jeunes et je me suis envoyé des sauts comme des fous avec eux. Et c'est ça le kiff, en fait. On parle pas de sponsor, là. On parle de plaisir. Vous avez pas de peur? On a tous peur. On a tous peur et c'est cette peur qui fait qu'on est hyper vivant, en fait. Moi, j'adore ce sentiment de peur où là, on a limite la buée qui monte dans le masque, on est en haut, on se tape les mains, on roule les épaules, on tourne la nuque. Et à ce moment-là, là, on sent qu'on commence à être hyper concentré. Et c'est ce sentiment de hyper concentration qui fait qu'en fait, on va pas à l'erreur. Et elle sert à ça, la peur. Celui qui n'a pas peur, c'est un suicidaire. Et puis il fera pas ça bien, en fait. Et les sponsors ne veulent pas s'acoquiner avec eux. Et là, je peux te citer Jamie Pierre. Bon, il est décédé, mais Jamie Pierre, son jeu, lui, c'était de sauter les plus grosses barres. Donc il a, je crois, 70 mètres ou 75 mètres. Une barre rocheuse de 75 mètres, ça commence à faire beaucoup. Et ben, quand il a battu son premier record du monde, il a perdu la moitié de ses sponsors. Il a rebattu son record du monde, il a perdu tous ses sponsors. Alors, sans rentrer dans le truc, on joue avec la peur, mais c'est grisant d'avoir peur. Et c'est comme ça qu'on est concentré. Ou la peur, plein de fois, m'a fait faire demi-tour en haut d'une falaise de base jump. Et tu vois, quand tu viens de marcher 8 heures pour aller faire un saut qui va durer 10 secondes, dire non, je saute pas en haut, c'est quand même compliqué. Mais si t'as peur parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a des conditions météo, ou même toi, parce que tu peux avoir mal au bide ou des trucs tout bêtes, tu t'es brassé avec ta copine, tes parents, et t'es pas dans un super mood, tu sens que t'es pas là. Et si t'es pas là dans l'instant T, faut dégager. Donc tu fais demi-tour. Pierre Tardival, vous avez eu le sentiment de risquer votre vie à plusieurs reprises au cours de votre carrière d'athlète ? En général, non. En ce qui est extrême, on a la faculté de pouvoir attendre. La météo nous dit quand la neige est stable, quand il fait beau, on va partir parce qu'on pense que les conditions névrologiques sont parfaites. Et moi, j'ai toujours eu l'impression de descendre en me disant, là, il y a quand même pas beaucoup de risques, parce que je suis sûr de mon coup. Alors après, voilà, il y a des jours où on prend pas toutes ces précautions. Moi, j'ai eu des 2-3 alertes. Je me souviens notamment d'images à l'Aiguille du Midi où c'était juste pour faire des photos avec un photographe pour les sponsors, les médias. Hein. On avait pris le téléphérique et je faisais juste quelques virages dans la face nord sous le téléphérique. Et n'ayant pas repéré la neige, ben, j'ai été surpris tout d'un coup à me retrouver sur une plaque de glace vive. C'était juste recouvert de 15 cm de poudreuse et ça d'en haut je l'avais pas repéré. Donc j'enchaînais mes petits virages et tout d'un coup je me suis retrouvé sur la glace à la limite de décrocher. Je me suis arrêté vraiment miraculeusement et en un éclair, j'aurais pu mourir. On a beau avoir eu de la chance pendant 30 ans, tout d'un coup, la chance peut tourner. Et ça, c'est valable pour moi encore aujourd'hui. Il y a 2 jours, je descendais un passage en rocher enneigé. Bah, j'étais confiant, c'était pas très dangereux. J'y suis allé franchement. Pour passer les rochers, il fallait juste se tenir à une branche qui était recouverte de neige. Bon, ben, en fait, la branche, elle tenait pas, et puis, ben, j'ai fait un petit vol de 8 mètres. J'ai rien vérifié, j'ai pas pris le temps de vérifier si la branche était solide. Et 8 mètres de chute, ben, j'aurais pu me casser les jambes, me planter une branche j'ai quelques marques sur le front. Ben, cette branche, j'aurais pu me la planter dans l'œil. Et là, voilà, je me suis dit, c'est une bonne leçon. J'ai toujours ma bonne étoile qui fait que j'ai même pas eu, j'ai rien eu de cassé. Mais quelqu'un avec moins de chance aurait pu, se blesser gravement. Mais bon, on n'est pas tous égaux devant la chance. Il y en a, au bout de 3 ans de pratique, ça y est, ils ont eu une alerte avec autre chose qu'un avertissement, un accident fatal. Beaucoup de copains qui me disent, bah toi en fait, t'es toujours là au bout de 30 ans de ski extrême parce que t'as été plus prudent que les autres. Je sais pas, peut-être un peu, mais je suis pas exemple de bêtises. La peur vieillit. On n'a pas du tout les mêmes peurs quand on a 18 ans que lorsqu'on a 60 ans. Quand on a 18 ans, la mort, c'est un concept. Quand on a 60 ans et plus, on voit la ligne d'arrivée, entre guillemets. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. On l'a touché, on a perdu des êtres chers, etc. Ce qui est rarement le cas quand on a 18 ans. Notamment chez les jeunes garçons, il y a une période qui est très dangereuse, c'est la période des 18-30 ans. Et ça, on peut le voir. Alors là, les statistiques le montrent, les accidents de voiture. Alors pourquoi ? Votre ego est en construction, et cet ego va se construire par rapport au regard des autres. En plus, vous ne connaissez pas vos limites. Moi, j'ai un peu plus de 60 ans, mes limites en delta, en ski, en plongée, je les connais parfaitement. Donc je sais jusqu'où aller ou ne pas aller, ce qui n'est pas le cas à 18 ans. Et puis, au niveau neurobiologique, il y a des tas de choses rigolotes qui se passent à cet âge-là. Alors, testostérone, moi j'ai le regret de vous dire que mon taux de testostérone est 2 fois moins celui d'un jeune homme de 20 ans. Je peux le regretter, mais c'est comme ça. Et le testostérone, c'est un pouce au crime quand même, hein, faut quand même être honnête. Mais il y a autre chose, le taux de dopamine est beaucoup plus important. Le dopamine, donc, je vous rappelle, le neurotransmetteur de la récompense qui vous pousse à prendre des risques. Donc ce qui vous fait éprouver du plaisir, c'est ça aussi, quand on parle de récompense ? Aussi, bien sûr, c'est ça. Et ce qui pourrait potentiellement vous donner envie de recommencer aussi ? Oui, parce que la dopamine est addictive. Ça, ça a été prouvé scientifiquement. Vous droguez des rats à la dopamine et les rats vont tellement vouloir être drogués à la dopamine qu'ils en oublient de manger et finissent par crever. On a un taux de dopamine à cet âge-là qui est très important. Par contre, la sérotonine, qui est, je dirais, le neurotransmetteur, vous savez, de la sérénité, de la méditation, du mec cool, bah ça, par contre, c'est embryonnaire, notamment chez le jeune garçon. C'est pas encore très, très efficace. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, j'oubliais. Vous savez qu'un cerveau est d'autant plus efficace que les connexions fonctionnent bien. Eh bien, les connexions au niveau du cortex préfrontal, qui est le siège de la raison, ne sont pas achevées avant 30 ans. Donc en gros, pour faire simple, à 18-30 ans, vous avez une voiture, vous avez mis le turbo, mais vous n'avez pas de frein et vous n'avez pas de cerveau. Alors moi, ma particularité, c'est que quand je faisais beaucoup de pentes extrêmes, que j'étais médiatisé, c'était la fin des années 80, début des années 90. À l'époque, le freeride n'existait pas. On a découvert ça au début des années 90, ça venait des États-Unis. Et tout d'un coup, ben, on s'est mis à voir des images très spectaculaires de jeunes qui vont à des vitesses folles, qui descendent tout droit en sautant des grosses falaises dans des gros paquets de poudreuses. C'était vraiment très beau à voir. Et du coup, les médias s'y sont intéressés, les sponsors aussi, et les budgets sont passés vers les compètes de freeride. Ce que j'ai pas regretté d'ailleurs, parce que ça m'a toujours fait peur d'être dépendant comme ça financièrement d'une activité dangereuse, c'est pousse au crime, et ça m'a démotivé. Parce que mon moteur, c'était quand même d'ouvrir des nouvelles lignes, c'était d'avoir le plaisir d'avoir découvert tout d'un coup une espèce de couloir que personne n'avait remarqué, et j'étais le premier à y aller, enfin il y a ce côté aventure qui me plaisait. Au fond de moi, j'étais sûr que je ne faisais pas ça pour gagner de l'argent. Pierre Tardivel, vous êtes père de famille? Deux enfants. On m'a souvent posé la question, est-ce que ça a changé quelque chose? Eh ben non. Parce qu'au fond de moi, j'ai toujours eu la conviction que ce ski extrême, je le pratiquais en sécurité. Alors, à défaut d'épater les sponsors, est-ce que vous cherchez pas quand même à épater les internautes qui regardent vos vidéos? Et on en reviendra aux deux familles. Il y a ceux qui font ça par amour et par plaisir, et ceux qui font ça pour épater les gonzesses dans les bars et pour essayer de séduire les sponsors. C'est vraiment deux profils différents. Il y a eu la grande mode du Belgium dans les années 2007, 2008, 2009, 2010. Mon meilleur ami en est décédé. Donc tu vois, je sais vraiment de quoi je parle. Et quand on voyait les nouveaux base jumpers qui arrivaient, on savait qu'ils allaient mourir très vite. Parce qu'en fait, il y en avait qui faisaient ça pour épater la galerie. C'était vraiment pour pouvoir rentrer le soir et puis sur les drop zones ou dans les bars, se la raconter, essayer de faire le cake. Mais ça, dans tous les milieux, on a des têtes de con. Moi, ouais, c'est des têtes de con, puisqu'en fait, ça tue un sport, c'est pas bon, ça donne une mauvaise image. Mais tu peux... Par rapport au mot appâter, je sais plus quel est le terme que tu as utilisé, mais en tout cas nourrir les réseaux sociaux, si on parle de réseaux sociaux et tout ça, tu peux très bien les nourrir avec autre chose que de la performance. Moi, c'est ce que je fais. Je raconte des histoires. Rancho, c'est raconter des histoires, c'est raconter comme mon terrain de jeu est beau, et raconter comment j'aime mes amis et comment j'aime partager. Voilà, c'est un petit peu ça. Et bien sûr, je me mets dans des situations où je me fais peur. Par exemple, on a un épisode où j'ai skié sur les vagues. On a surfé des vagues de 4 mètres à 4 mètres 50. Et moi, j'ai peur de l'eau. Mais là, c'était un défi pour moi, mais complètement fou. Et là, on peut pas dire que c'est les sponsors qui m'ont demandé de faire cet épisode, puisque je fais du ski sur l'eau. Or, mon sponsor, on fait du ski sur la neige. Donc, il y a aucun lien entre un business. Mais je me suis... Ah, je me la suis donnée, hein. J'ai pris sur moi, hein. Mais qu'est-ce que j'étais fier. Et j'ai vraiment eu peur, par contre. Ouais. Donc c'est avant tout une histoire avec soi-même, aller au bout de ses limites. Ouais, moi j'aime vraiment aller au bout de mes trucs, et après en vieillissant, mon curseur il descend, mais il descend pas par rapport à la prise de risque, il descend par rapport à la blessure. Quand on est vieux, quand on tombe, ça fait beaucoup plus mal que quand on est jeune. Et ça, on s'en est tous rendu compte. Du coup, on réévalue tous nos curseurs là-dessus. Et moi, j'ai pas de problème à dire à mes partenaires, moi, la barre de 25 mètres, aujourd'hui, je la contourne. Ça, je fais plus, parce que je sais que si je fais une mauvaise réception, ça casse. Voilà. Mais j'aime toujours ça. Je suis papa. Voilà. Ça peut changer aussi des choses. En fait, il faut, dans tous ces sports extrêmes, il faut savoir évoluer. Il faut savoir évoluer avec les gens avec qui on a le droit de dire j'ai peur ou je veux renoncer. Parce que la peur, elle est souvent assimilée à la honte. Superman et Spider-Man, ils n'ont jamais peur. Or, on est malheureusement bien des humains et comme je disais tout à l'heure, on a peur. Et le cercle autour fait que si tu as honte de dire j'ai peur, je renonce, bah tu meurs. Et c'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est les mecs qui se tirent la bourre des fois pour une première descente ou pour un truc que les autres n'ont pas fait. Et en fait, dès lors où tu rentres en compétition contre quelqu'un sur un sport extrême, tu mets ta vie en danger. En sport extrême, entre guillemets, puisque ce mot je l'aime pas trop, mais si tu es vraiment en concurrence contre quelqu'un, ça te pousse à être con et donc à préparer ton cercueil très rapidement. Est-ce que vous diriez, Antoine Ménage, que c'est un sport extrême, la slackline ou la highline ? Alors, la highline en tant que telle, pour moi, n'est pas un sport extrême. C'est-à-dire que c'est un sport qui est à risque s'il est mal fait. Mais en soi, s'il est bien fait, il n'y a aucun risque. C'est-à-dire qu'on est accroché sur la sangle. Après, on peut l'amener, on va dire, à l'extrême, notamment en enlevant la sécurité, ce qu'on appelle le free solo. Parce que là, en effet, la moindre erreur, elle est mortelle. Et je pense que c'est ça vraiment... Que je recherchais quand on se fait ça, c'est la maîtrise totale de mon corps et de mes émotions. Et de savoir que j'ai pas le droit à l'erreur. En tout cas, moi, mon but, c'est pas d'aller toujours plus loin, c'est juste de ressentir cet état de pleine maîtrise de son corps. J'ai pas le droit à ce moment-là de flancher, parce que sinon je sais que mon corps il va réagir et que ça va mal se finir, quoi. Donc c'est vraiment un état de maîtrise qui m'intéresse. Votre vie est suspendue à un fil. À ce moment-là, ouais, la vie est suspendue à un fil. La vie ne tient qu'à un fil, c'est vrai. Et comment vous surmontez vos peurs, là ? Parce qu'il y en a quand même de la peur, de l'appréhension, non ? Alors, la peur, il y en a toujours. Je pense qu'on ne ferait pas ça si ça ne faisait pas peur. C'est une recherche, cette peur. C'est vraiment une peur qui est désirée et qui nous fait du bien. Parce que ça permet de... Quand finalement on retourne sur des moments qui sont plus simples... Bah, ça permet de les apprécier beaucoup plus. C'est quand même vraiment cool d'être en bas, finalement, quand on a été en haut, quoi. Mais du coup, pour revenir à la peur sur le free solo, je pense qu'il y a vraiment une recherche de maîtrise qui fait que quand on se lève sur la ligne, on a justement, il n'y a plus de place à la peur, là. La peur, elle est avant de se lever. Le moment où on va s'asseoir sur la ligne et qu'on n'a pas encore fait son départ, là, il y a beaucoup de peur. Et le moment où on décide qu'on va se lever et le moment où on se lève, là, il y a plus de peur. C'est fini la peur. Là, je suis dans ma bulle. J'ai plus le droit à l'erreur. Je sais ce que je fais. J'ai voulu le faire. Et maintenant, je prends mon temps, mais je traverse la ligne et je vais au bout, quoi. Et après, il y a quelque chose qui est exceptionnel à la fin, quoi, quand tu fais le dernier pas, que tu t'assois ou que tu rejoins le bord, même en marchant, et que tu mets les pieds au sol et que tu dis que tu viens marcher sur un fil au-dessus du vide, quoi, c'est indescriptible comme sentiment. Vous compareriez à quoi ? Je peux pas le comparer, c'est... On se sent bien, on se sent... personnellement maître de soi, et puis mine de rien on fait des choses qui sont pour nous, en tout cas, qui sont belles, et c'est agréable. On va dire que c'est valorisant pour soi de faire ce genre de choses, et puis de réussir à traverser toujours plus long, ça fait du bien de voir qu'on peut progresser, qu'on peut défier ses peurs. Et ouais, je pense que c'est pour ça que j'y retourne, ça construit, je pense. Après, c'est pas pour ça que je suis quelqu'un de, de trompe-la-mort, de casse-cou, je déteste aller vite, j'arrive pas à conduire, c'est très difficile pour moi d'aller à 130 sur l'autoroute, je peux pas doubler quelqu'un sur une voie rapide, j'ai toujours l'impression que je vais risquer ma vie, et j'ai plein de copains qui me disent « Oh, accélère un peu quand je suis à 110 sur l'autoroute alors que c'est limité à 130 », quoi. Parce que je sais pas, j'ai peur de ça et je ressens pas le besoin d'aller plus vite et peut-être d'avoir ces petits frissons que certains aiment bien avoir sur la route, quoi. Moi, j'en ai pas envie, ça me fait peur. Même en ski, j'ai vraiment du mal dès que les conditions sont un petit peu dangereuses. J'ai du mal à aller m'aventurer, même des fois trop peureux, on va dire. Mais ça veut pas dire que j'ai complètement débranché mon cerveau et que je peux faire n'importe quoi, quoi. La peur l'emporte sur le sommeil, l'emporte sur l'envie de faire l'amour, etc. Il n'y a rien de plus puissant que la peur. Et pourtant, cette émotion, historiquement, a toujours été honteuse. Alors le pourquoi, c'est sans doute des problèmes de sauvegarde, parce que bon, si on avait des peureux, c'était dans l'équipe, ça mettait peut-être en danger le groupe. Mais en tout cas, historiquement, jusqu'à maintenant, parce que maintenant on commence à comprendre que la peur peut avoir des effets positifs. Alors, je vous disais, c'est la plus puissante des émotions. Et il faut savoir que les émotions sont des marqueurs de la mémoire. Donc, c'est ce qui explique les fameux syndromes post-traumatiques. Parce que là, vous l'avez enfoui à vie et vous n'allez jamais oublier cette peur terrible que vous avez eue. Mais de façon plus légère, moi, je me rappelle 35 ans après ou quelque chose comme ça, comme aujourd'hui de mon premier grand vol en aile delta. Et alors ? Donc ça se passe à Saint-Hilaire-du-Touvet. Saint-Hilaire-du-Touvet, c'est dans le Grésivaudan près de Grenoble. Vous avez une falaise qui fait à peu près 800 mètres, un tremplin qui s'approche du vide avec une pente de 45 degrés. Donc première peur, c'est est-ce que je suis bien accroché ? Je ne sais pas combien de fois j'ai vérifié mon accrochage, parce que chaque année à Saint-Hilaire-du-Touvet, il y avait un mort parce qu'il ne s'était pas accroché. Et puis ensuite, vous approchez au bord du tremplin. Il faut vous imaginer sur la piscine au bord du tremplin de 10 mètres. Bon, déjà, ça fout la trouille. Ben là, vous êtes à la piscine au bord d'un tremplin de 800 mètres. Et là, ça fout vraiment la trouille. Et puis cette planche qui descend à 45 degrés, il faut vous jeter dans le vide en espérant que vous faites les bons gestes pour que votre aile vole. Et pendant quelques secondes, elle ne va pas voler, elle va chuter, en fait, pour prendre de la vitesse, avoir de la portance, etc. Et ça, c'est... Ouais, ça vous prend aux tripes. Là, je peux vous dire que tous les mécanismes de la peur du fameux Joseph Ledoux, notre Américain, fonctionnent. Donc là, vous avez le poil hérissé, la pupille dilatée, les mains moites, le sphincter contracté, les tripes au repos, enfin voilà. Et ça, rien que d'y penser, vous voyez, ça, là on rentre dans le troisième circuit de la peur, celui de l'anxiété, rien que d'y penser maintenant, ben, j'ai mon corps qui réagit comme ça. 35 ans après, donc... Lorsque vous avez fait le tour du monde, aussi bien avec Solar Impulse qu'en ballon, Bertrand Piccard, il vous est arrivé d'avoir de grosses frayeurs ? En l'air, pas vraiment. Les vrais moments de peur, je les ai eus au sol. C'était la peur de ne pas pouvoir voler. C'était la peur qu'on n'ait pas la bonne météo, qu'on n'ait pas les autorisations, que... Et je me rappelle, avec Solar Impulse, j'allais faire la dernière étape, hein, décoller d'Égypte pour arriver à Abu Dhabi. C'était l'aboutissement des 15 ans de rêve que j'avais, de sacrifices. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour ça. Je me rappelle que les jours avant, j'étais terrorisé à l'idée de glisser sur mon savon dans la douche, quoi. Et je mettais ma ceinture de sécurité dans le taxi, je faisais très attention à tout ce que je faisais, je voulais surtout pas me casser un pied ou une main, et puis ne pas pouvoir voler. C'était ça qui me terrorisait. Mais en vol, une fois que j'étais en l'air, et même s'il y avait des turbulences, s'il y avait des choses comme ça, je me disais, ben voilà, je suis là où je veux être, je vais pas me plaindre maintenant. Moi, je dis toujours que je suis un explorateur, dans certains cas un aventurier, mais je suis pas un trompe-la-mort. C'est pas le danger que j'aime, c'est pas la peur que j'aime. C'est la conscience que procure la situation extrême pour nous propulser comme être humain à un état de fonctionnement supérieur et plus performant, plus créatif. Ça j'aime beaucoup. Et je pense que c'est beaucoup mieux d'apprendre aux gens à gérer le risque plutôt qu'à l'éviter. Et beaucoup de gens n'ont pas appris à gérer le risque de l'existence ou les risques de l'existence parce qu'ils sont persuadé qu'il faut être le plus sûr possible, se mettre des protections les plus rassurantes possibles. Et finalement, la zone de confort, elle nous enferme dans une impréparation à la vie. Vous savez, là où je me suis dit l'humanité a vraiment des problèmes, c'est quand j'ai acheté il y a 10 ou 20 ans le premier écran plat que j'avais commandé. Il est arrivé dans une boîte avec une étiquette, c'était marqué « Attention de ne pas vous coincer les doigts entre l'écran et le support quand vous manipulez l'écran ». Et je me suis dit « Mais c'est pas possible ». Donc je pense que apprendre à gérer le risque, c'est extrêmement important. Apprendre à gérer les crises, c'est extrêmement important. Maintenant, il y a certains risques qu'il faut éviter si le risque est inutile. Hein. Et je crois qu'il y a une phrase de Marc Aurèle, cet empereur romain stoïcien. Marc Aurèle disait « J'espère avoir la force de changer ce que je peux changer, le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse pour distinguer l'un de l'autre. » Rendez-vous avec la peur, avec Antoine Ménage, Bertrand Piccard, Enac Gavaggio, Gérard Guerrier, Jean-Louis Etienne, Pierre Tardivel et Steph Stevenhart. Prise de son, Christophe Papon. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attaché de production, Marie-Yvonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervran. Un documentaire de Jérôme Sandelars et Yvon Croisier.